Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Bonjour et bienvenue à l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et c'est La Connexion. Cette semaine, on va parler entre autres d'universitaires de Boston qui poursuivent Google, du plombier, italien. Vous connaissez peut-être Mario qui est plus mémorable apparemment que Harper et Dion. On va aussi parler de cadeaux électroniques pour Noël, les plus populaires, et de vlog qui est enfin retiré des ondes. Tout ça, tout de suite, c'est La Connexion. Yeah. Colette et Soap Opera, c'est sur le palmarès francophone de cette semaine. Vous écoutez La Connexion et maintenant, c'est le fil informatique. On commence les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs cette semaine par Google. Une poursuite en bonne et due forme vient d'être intentée contre Google par la Northeastern University de Boston et par la compagnie Jarg, fondée par l'un de ses professeurs. Selon les documents déposés, Google utiliserait dans son moteur de recherche un code qui a fait l'objet d'une licence et d'un brevet en 97, soit un an avant sa création. Un porte-parole de Google a déclaré être au courant de la poursuite, ajoutant qu'il n'avait pas encore lu les documents. À son avis, cette procédure n'a aucun mérite. Pour sa part, le professeur Michael Bélanger, président et cofondateur de Jarg, a expliqué dans une entrevue à Reuters qu'il savait depuis de nombreuses années que Google utilisait sa technologie, mais qu'il ne pouvait faire valoir ses droits en raison des frais de cour élevés. Il a ajouté qu'il venait de trouver une firme d'avocats prête à défrayer les coûts associés à une telle poursuite. Toujours selon les documents déposés, certains écrits des chercheurs de la Northeastern University au sujet de la recherche sur Internet remontent à 1994. D'ailleurs, la compagnie Jarg est toujours active dans ce secteur d'activité. Elle poursuit des travaux sur une petite échelle dans le développement d'une nouvelle génération d'outils pour la recherche sur le web. Les plaignants ont expliqué qu'ils ne voulaient pas nuire aux activités de Google et je cite, « Tout ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir ce qui nous revient. Si, bien sûr, la Cour conclut que Google utilise une technologie que nous avons développée et qui nous appartient », a déclaré le professeur Bélanger. La poursuite en question a été déposée le 6 novembre dernier à la division Marshall de la Cour fédérale du district du Texas, un endroit qui est réputé à être favorable aux plaignants dans les cas de droit d'auteur, de brevet ou de droit de propriété. L'article vient de Canoë. Un collectif d'internautes de 70 pays a accepté mardi dernier de devenir l'actionnaire majoritaire d'une petite équipe de soccer ou de football britannique, selon l'Associated Press. Le collectif d'internautes regroupé sous le nom My Football Club a accepté d'acheter 51% des parts d'Ebbsfleet United, une équipe basée dans la petite municipalité de Gravesend dans le nord-ouest du Kent. Grâce à cet achat, le collectif d'internautes pourra intervenir dans toutes les décisions concernant l'équipe, dont notamment le choix des joueurs. Et je cite, « C'est une première », a expliqué à l'Associated Press Roland Edwards, l'un des membres du conseil d'administration de l'équipe. « Ces individus ont acheté l'équipe, ils pourront donc la diriger et faire partie intégrante de son avenir. » L'un des objectifs du collectif d'internautes est de faire parvenir leur équipe aux ligues professionnelles de football en Grande-Bretagne. Actuellement, Ebbsfleet United fait partie de la Football Conference, une ligue semi-professionnelle comprenant 24 équipes. Bien que le montant de la transaction n'ait pas été dévoilé, My Football Club dispose d'environ 1,375 millions de livres sterling ou 2,7 millions de dollars canadiens d'actifs provenant des poches de ses 53 000 membres. L'abonnement annuel au site Internet est de 36 livres sterling. Le directeur général et entraîneur en chef de l'équipe, Liam Daish, laissera tomber son poste à la direction pour devenir uniquement l'entraîneur en chef et je cite, « Je crois que ce sera tout un défi de travailler avec les milliers de membres de My Football Club pour faire avancer notre équipe. » C'est ce qu'il a déclaré. Les détails sont dans l'article « Un collectif d'internautes achète une équipe de soccer ». C'est sur le site de la connexion au www.unechance.com. La Mubadala Development Company, le bras financier de la ville d'Abu Dhabi, vient d'investir 622 millions de dollars dans le numéro 2 mondial des microprocesseurs, on parle de AMD, qui lui cède donc environ 8% de son capital. Advanced Micro Devices, qui enregistrait récemment son quatrième trimestre de pertes consécutives, ça va très mal, indique dans un communiqué que cette somme sera employée pour se développer sur le long terme, en mettant notamment l'accent sur la recherche et le développement. Quelques heures avant de procéder à cette annonce, AMD avait averti le gendarme américain de la bourse, la SEC, qu'il souhaitait procéder à la vente d'environ 700 millions de dollars de ses actions. Bien que cet investissement ne confère aucun pouvoir décisionnel au fonds d'Abu Dhabi, qui ne figurera pas au conseil d'administration de la firme, AMD précise que la transaction pourrait être examinée par le U.S. Committee on Foreign Investment, un organisme en charge de la surveillance des investissements en provenance de l'étranger, particulièrement suspicieux dès lors que les affaires sont relatives au domaine technologique ou militaire. AMD, dont la valorisation boursière s'établit aujourd'hui aux alentours de 7 milliards de dollars, accuse une dette de 5,3 milliards de dollars. L'article date de vendredi le 16 novembre. C'est via Clubic.com. Toujours sur Clubic, une semaine après avoir répondu aux questions du Congrès des États-Unis concernant son implication dans l'arrestation de cyberdissidents chinois, Yahoo est parvenu à un accord amiable avec la World Organization for Human Rights USA. Leur accord met un terme à des poursuites engagées au printemps dont on parle depuis. Accusant Yahoo d'avoir fourni aux autorités chinoises des informations sur des internautes emprisonnés depuis, l'organisation a porté plainte contre le portail en avril 2007. Cette action a été ouverte en Californie au nom des journalistes Shi Tao et Wang Xiaoning. Ces derniers ont été condamnés en Chine en 2005 pour l'un et en 2002 pour l'autre à une peine de 10 ans de prison pour s'être prononcés sur Internet en faveur d'une réforme démocratique du pays. Mardi le 13 novembre 2007, la World Organization for Human Rights et la multinationale Internet d'origine américaine, Yahoo, ont mis un terme à leurs différends. En contrepartie, Yahoo a indiqué mettre en place un fonds de soutien financier, humanitaire et juridique aux familles des dissidents et, je cite, « emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion en ligne ». Voilà. Toujours sur Clubic, Seagate a publié la semaine dernière un avertissement sur son site web, comme on peut le voir dans l'article. Celui-ci met en garde les possesseurs de disques externes Maxor Basics Personal Storage 3200 ou 3200. D'après le communiqué de Seagate, certains de ces disques achetés depuis août 2007 pourraient contenir un virus en standard. Imaginez, c'est Kaspersky Labs qui est à l'origine de cette malheureuse découverte. Tout serait parti d'une chaîne de fabrication en Chine qui aurait propagé le virus sur certains de ces disques durs. Seagate aurait stoppé les livraisons des unités liées à cette chaîne de production. Quelques unités infectées, par contre, se seraient retrouvées quand même dans le commerce. Les possesseurs de ce modèle de disque sont invités à scanner leurs disques avec un antivirus récent et mis à jour. On parle entre autres de Avast, qui permet de détecter le virus en question et qui s'appelle virus.win32.autorun.ah. Ce logiciel malveillant permet notamment de voler et de communiquer des mots de passe utilisés dans les jeux en ligne tels que World of Warcraft. C'est triste. T'arrives à la maison avec ton nouveau disque dur, pimpant, et puis t'as un virus qui vient avec. C'est malade. Le détaillant américain Walmart a annoncé sur son site internet que l'ordinateur de bureau lancé au début du mois, Everex TC 2502 GPC, en vente à $199, était en rupture de stock. En effet, ce modèle n'est plus disponible dans son magasin virtuel ni dans ses vraies boutiques basées à New York, à San Francisco ou même à Chicago. Et là, on parle du PC Linux. La particularité de l'ordinateur est qu'il est un des premiers du genre à être équipé de Linux et vendu dans une grande chaîne. Et ça s'est écoulé, c'est le fun. Le PC est offert avec le système d'exploitation GOS, qui est une variante de Linux préinstallé. C'est un système d'exploitation alternatif. Bon, il y a Windows, il y a Mac OS X et il y a Linux, différentes variantes. L'ordinateur embarque un processeur de 1,5 GHz, un disque dur de 80 GB, 512 MB de mémoire vive DDR2, un combo DVD-ROM, CDRW et des haut-parleurs. C'est quand même un beau petit ensemble, on pourrait dire, pour $200. Il n'y a pas de moniteur inclus, mais ça vient avec OpenOffice.org 2.2, une suite bureautique libre équivalent un petit peu à Office sur Windows. Et ça vient avec le PC. Walmart n'a pas indiqué si elle allait revendre ce PC ni quand elle comptait en recevoir d'autres. Pour ceux qui préfèrent Vista, Walmart vend un Everex GPC aussi équipé avec ce système d'exploitation de Microsoft pour environ $100 de plus, donc autour de $300. L'article vient de branchezvous.com. Même chose pour le prochain. Les sites communautaires Facebook et MySpace, qui sont de plus en plus populaires, représenteraient des risques pour la sécurité de leurs utilisateurs, constate le gouvernement britannique. Selon une étude publiée lundi dernier dans le cadre de la campagne gouvernementale Get Safe Online, soyez prudents sur Internet, un quart des 10,8 millions d'utilisateurs britanniques de ces sites révéleraient des renseignements qui peuvent être utiles à des criminels, comme leurs coordonnées ou leur date de naissance. Plus du tiers, 34% des utilisateurs de ces sites qui sont âgés entre 18 et 24 ans donneraient dans leur profil ces renseignements relèvent entre autres les auteurs de l'étude. Selon eux, de tels renseignements suffisent à un criminel, et je cite, pour qu'il soit capable d'ouvrir un compte bancaire à votre nom. Et je continue de citer. Alors que la plupart des gens ne donneraient pas ces informations à un étranger dans la vie réelle, ils l'affichent sans problème sur ces sites Internet. C'est ce que soulignent les auteurs du document gouvernemental. L'étude révèle également que 24% des internautes utilisent le même mot de passe pour tous les sites Internet communautaires. J'en suis coupable. Et 15% ne se servent d'aucun des outils supplémentaires de protection des données confidentielles qui sont offerts par Facebook et MySpace. Parmi les utilisateurs de ces sites, 29% y recherchent des informations sur leurs anciennes amours, alors que près de 33% y recherchent des détails sur leurs patrons et leurs collègues, révèlent finalement les auteurs du document. Pour tous les détails, allez voir le unechance.com et cliquez sur MySpace et Facebook, un risque sécuritaire. Et le dernier article de ce premier bloc informatique, Windows Vista plus ou moins populaire en entreprise. Le 30 novembre prochain, le système d'exploitation Windows Vista de Microsoft aura un an, déjà. Puisqu'il a été offert au monde des affaires quelques mois avant le grand public, on s'entend que le public l'a eu quelques mois plus tard. Et pourtant, plusieurs entreprises préfèrent garder Windows XP pour toutes sortes de raisons. Quel est le problème? Demande cet article merveilleux qui vient de canoe.ca. Windows XP est un système puissant, stable et pratiquement sans problème, dit l'article. Windows Vista souffre encore beaucoup de son jeune âge. Il provoque encore de nombreux irritants dans les grandes entreprises, surtout à cause de problèmes d'incompatibilité de toutes sortes, même avec des équipements certifiés Vista ou compatibles. Mais la situation pourrait changer au printemps prochain parce que Microsoft va lancer un premier ensemble de mises à jour qui s'appelle le Vista Service Pack 1, ce qui devrait rassurer la clientèle ou à tout le moins calmer les mécontents. Mais plusieurs spécialistes croient plutôt que bon nombre d'entreprises vont préférer attendre le prochain système d'exploitation. Il s'agit de Windows 7, son nom de code qui pourrait apparaître vers la fin de 2009 ou le début de 2010. Selon un consultant en informatique spécialisé dans les produits Windows, si Vista ne règle pas ses problèmes avec la mise à jour du printemps, beaucoup d'entreprises vont demeurer avec Windows XP, d'autant plus que Microsoft travaille actuellement sur un service Pack 3 pour Windows XP, ce qui pourrait rallonger encore une fois son cycle de vie jusqu'à l'arrivée du prochain système. Mais chez Microsoft, on voit la situation de façon différente. Les responsables soulignent que les ventes de licences pour Vista sont relancées. Ils font valoir que les applications pour Vista sont de plus en plus nombreuses et que par conséquent, les problèmes sont plus rares. L'un des vice-présidents chez Microsoft, Mike Nash, est catégorique et je cite « L'expérience de Vista sur du matériel compatible est beaucoup plus facile aujourd'hui par rapport à il y a seulement un mois ou deux et certainement beaucoup plus agréable par rapport à il y a un an. » Tous les détails sont dans l'article « Windows Vista plus ou moins populaire en entreprise » via Canoë sur le www.chance.com. Regardons les mots-clés qui ont été les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. On parle donc de mots-clés en français. En 10e position, descente pour Loft Story. En 9e, ça monte Emploi Québec. En 8e, ça descend TVA. En 7e, ça descend Accéder. En 6e, les gens cherchent YouTube et ça monte. En 5e, même chose pour Occupation Double. En 4e, ça descend avec Hotmail. En 3e, ça monte avec les PAC. En 2e, ça descend avec Horoscope. Et en 1e, ça monte, monte, monte toujours L'Auto-Québec. Vous écoutez La Connexion à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Retour du T-Vex dans la PlayStation 3 et Guitar Hero 3 sur la Wii en mono à la connexion à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques secondes, on va parler de Guitar Hero 3 sur la Wii, qui est malheureusement en mono. Oui, c'est vrai. Et on va parler aussi de Mario, qui est plus mémorable que Harper et Dion. C'est ce que les rumeurs disent, hein? C'est tellement un beau bonhomme. Tellement une belle moustache. Tu étais vraiment beau avec ta moustache. T'aurais pas dû mettre la hache. Entrée toute récente des palmarès francophones de C'est fou, c'est Hippocampe de El Motor. À la connexion à C'est fou 89.1 FM, maintenant c'est l'heure du fil jeu vidéo. Une nouvelle qui a marqué le monde vidéoludique cette semaine. On commence par une nouvelle vraiment intéressante. L'entreprise Devex vient d'annoncer que la technologie Devex sera prochainement intégrée au firmware de la PlayStation 3. Donc, allons-y plus dans les détails pour ceux qui ne comprennent pas trop de ce fait. Les développeurs peuvent déjà utiliser cette technologie pour leur jeu avec le kit de développement 2.0 qui a été déployé le 2 novembre dernier. Ça va permettre d'augmenter les capacités multimédia de la PlayStation 3 qui est déjà capable de lire des DVD, des Blu-ray ainsi que divers formats MP4 et MP2. Donc, du Divex, ce que c'est des fichiers téléchargés sur Internet. La plupart du temps, quand vous téléchargez, quand les gens téléchargent une vidéo sur Internet, par exemple une émission de télé, ou capturent eux-mêmes une émission de télé, ben, souvent, ils vont le convertir en DivX. D'accord. Et bien là, la PlayStation 3 va pouvoir lire ces fichiers-là, donc vous allez pouvoir télécharger, par exemple, je sais pas, sur iTunes, mettons, d'une façon légale, une saison complète d'une émission de télé ou sur Amazon, n'importe quoi. Vous allez pouvoir envoyer ça sur un DVD sur votre PlayStation 3 et ça va lire. Ça va être absolument génial. Aucune date a été donnée jusqu'à maintenant pour l'accessibilité du format DivX aux utilisateurs finaux, mais ça devrait s'en venir très bientôt parce que la nouvelle a été publiée il y a à peine quelques jours de cela. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Sony Computer Entertainment et la PlayStation 3 suite à la baisse de prix de la console et la sortie du modèle 40 Go. La firme annonce ainsi avoir vendu 100 000 consoles de tous les types aux États-Unis durant la semaine qui s'est achevée le 11 novembre dernier. Et il précise aussi que les ventes hebdomadaires se situaient entre 30 000 et 40 000 unités depuis le 18 octobre, avec une pointe à 75 000 la semaine du 29. Naturellement enchanté par ces résultats, Howard Stringer, le PDG du groupe, dit aussi vouloir profiter de l'incapacité de Nintendo à produire à la forte demande. À répondre à la forte demande de Wii pour étendre le succès de la PlayStation 3. Donc, les malheurs et déboires de Nintendo un petit peu côté production de consoles donnent un avantage à Sony, selon son PDG. Les ventes de Guitar Hero 3 ont démarré en Lyon sur la Xbox 360 de Microsoft et la Wii de Nintendo, dit l'article de rgamers.com. Cependant, il semble que la version Wii ait une faiblesse du côté sonore. En effet, le son est en mono. Hein? Ça changera peut-être pas grand-chose pour ceux qui utilisent des haut-parleurs de leur télé, mais les amateurs de qualité sonore vont possiblement trouver ça très dommage, puisque le jeu ne rockera pas autant sur leur cinéma maison. Activision a confirmé ce problème, mais n'a toutefois pas encore mentionné s'ils regarderont pour une mise à jour téléchargeable via le système en ligne de la Wii. L'article date du 16 novembre dernier. C'est plutôt nul pour un jeu de musique, dit le Doyle dans les commentaires. Pour un joueur solo, ça ne doit pas changer grand-chose. Tu peux plus t'en rendre compte quand tu joues à deux et que le player 1 sort sur le left channel et le 2 sur le right, dit Rockford. Ça se peut bien que ça se joue à environ 3 ou 4 pieds des deux speakers de devant. T'es quoi, j'ai du fun, pareil. Je suis bien contente de l'achat. En tout cas. Donc ça, c'est les commentaires de Wargamers.com. C'est toujours très, très classe. IGN a appris de nouvelles informations au sujet du service WiiWare qui sera un canal dédié à la distribution de petits jeux sur la Nintendo Wii. Donc, nous connaissons désormais les lignes directrices de Nintendo envers son nouveau service, notamment au sujet des prix des jeux. Selon ce que IGN a pu apprendre, les développeurs seront libres de vendre leurs jeux au prix qu'ils voudront. Cependant, Nintendo va limiter la taille de chaque titre à seulement 40 MB, ce qui fait peu en comparaison aux 150 MB alloués aux jeux sur Xbox Live Arcade. Au niveau des profits, Nintendo offre en ce moment aux studios un partage 65-35. Donc 65% des ventes du jeu vont aller à la compagnie, alors que la firme japonaise Nintendo va prendre seulement le petit 35%. Le budget des jeux pour WiiWare varie entre 50 000 et 150 000 $ américains, bien que la plupart des jeux présentement en développement aient un budget estimé à moins de 100 000 $. Nintendo encourage présentement les développeurs à produire des jeux de petite taille pour WiiWare en reliant la taille des jeux aux ventes que ces derniers doivent atteindre avant que les studios ne soient payés. En fait, selon Nintendo, plus le jeu est petit, plus le temps de développement sera court et plus vite le studio sera payé. La firme recommande d'ailleurs de produire des jeux dont la taille n'excède pas 16 MB. Il sera possible aux studios de s'allier avec d'autres compagnies que Nintendo pour distribuer leurs jeux via WiiWare. Les compagnies proposeraient en ce moment une variété d'options pour les studios, incluant un partage des profits. Enfin, les studios de développement ne pourront lancer une quantité infini de jeux via WiiWare. En effet, Nintendo va limiter chaque studio à un jeu par mois via le service, le tout dans le but de décourager les concepteurs à produire des jeux de basse qualité en grande quantité, simplement pour se faire payer. Donc, Nintendo, toujours très sympathique. Pauline, dans les commentaires, dit « Qu'est-ce qu'on peut bien produire en un mois comme jeu Pong? » Hein? Le Max 450 dit plus de jeux cheap comme Solitaire ou Lemonade Stand, je dirais. Et F. Droopy, qui est la personne, une personne chez rgamers.com, elle dit si c'est pour donner un anglicisme, utilise-le bien. C'est le fun, c'est cheap. Il l'avait mal écrit. Donc, passons sur les commentaires d'Argamers. C'est vraiment nul de ma part de parler de ça. Les politiciens les plus puissants du pays qui font les manchettes ne sont pas plus reconnus qu'un plombier italien animé. C'est la grosse nouvelle selon moi de la semaine. Selon un sondage Harris Decima réalisé pour Nintendo Canada, plus de gens à Calgary, Toronto et Halifax peuvent identifier une photo de Mario, le légendaire personnage de jeux vidéo, que celle du premier ministre Stephen Harper. Même à Calgary, qui inclut la circonscription Calgary Southwest de M. Harper, Mario a été plus souvent reconnu, 47% pour Mario contre 41% pour Harper. Les Canadiennes ont eu plus de succès à identifier Mario qu'à reconnaître le politicien à la tête du pays, 66% contre 63%. Et à l'échelle nationale, le plombier animé est aussi connu que le premier ministre. Les deux ont été reconnus par 70% des répondants dans 5 grandes villes lorsqu'on leur demandait d'identifier les photographies par leur nom. Mario, qui lance ses plus récentes aventures avec Super Mario Galaxy pour la Wii de Nintendo, a aussi surpassé le chef de l'opposition, Stéphane Dion. Moins de la moitié des répondants canadiens, 48%, ont été en mesure d'identifier la photo de M. Dion, qui incluait une image du drapeau canadien en arrière-plan. En fait, à Montréal, où l'on retrouve la circonscription Saint-Laurent-Quartier-Ville de M. Dion, plus de personnes ont reconnu Mario que le chef du Parti libéral, 78 contre 71%. Et je cite, « Les politiciens canadiens sont chanceux que Mario n'ait pas sa citoyenneté canadienne et ne puisse pas faire de campagne électorale. » déclare Ron Bertram, directeur général de Nintendo Canada. Il n'est pas surprenant que Mario soit plus reconnu que les politiciens les plus en vue. Il a amusé des générations entières de Canadiens et n'inspire que des pensées joyeuses. C'est vrai ça. La franchise du personnage de Mario est la plus vendue de tous les temps, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Mario est apparu dans plus de 200 jeux depuis ses débuts, dont l'original Donkey Kong de 1981. Il a été la vedette du premier jeu Mario Bros. Mario Brothers en 1983, suivi peu de temps après par le légendaire Super Mario Brothers pour la Nintendo Entertainment System, la NES, en 85. Super Mario Galaxy, offert en français et en anglais partout au Canada, est le plus récent titre innovateur de la populaire franchise, qui utilise des commandes uniques et sensibles au mouvement de la Wii, dans une aventure défiant la gravité. Super Mario Galaxy présente Mario à la génération Wii, jeunes et moins jeunes, joueurs ou non. Avec son mode coopératif, même les joueurs les plus inexpérimentés peuvent plonger dans l'aventure. Quel bel article! Sur Canoë, l'article s'appelle « Le plombier italien plus mémorable que Harper et Dion ». C'est sur lunechance.com si vous voulez lire plus là-dessus. Maintenant, un article de hardgamers.com qui est divisé en deux. Il y a une nouvelle originale et la mise à jour. On va commencer par la nouvelle originale et vous allez voir, après ça, je vais vous la mettre à jour un peu. De nombreuses rumeurs circulaient sur Internet quant à ce qui sera inclus dans la prochaine mise à jour majeure de la Xbox 360. Or, la dernière de ces rumeurs était plutôt intéressante puisqu'elle faisait mention d'une option qui permettrait de télécharger des jeux originaux de la Xbox. Originale, la Xbox, tu sais, the basic Xbox, comme on pourrait l'appeler. D'accord. La Xbox de base. Mm-hmm. C'est ça. Donc, j'étais rendu où, moi? La dernière rumeur disait qu'on pourrait télécharger des jeux de Xbox via Xbox Live. Bon, voilà. Cette rumeur a vu le jour au sein de la dernière édition du magazine Official Xbox Magazine. Celui-ci affirmait, j'ai le mot passé, que les premiers jeux Xbox offerts via Xbox Live seraient Halo, Fable, Fahrenheit, Crimson Skies, High Road to Revenge, Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex et Burnout 3. Chacun de ces jeux se vendrait 1200 points Microsoft, soit une quinzaine de dollars. Il s'agirait d'une option intéressante compte tenu que les jeux de la Xbox originale sont difficiles à trouver en magasin, bien que ça pourrait rapidement remplir le disque dur de plusieurs joueurs. Au sujet du service Video On Demand, vidéo sur demande, il semblerait que vous pourriez louer un film via Xbox Live plutôt que l'acheter. Une fois un film loué, vous auriez 2 semaines pour le regarder. Cependant, une fois démarré, vous devriez le terminer dans la journée. C'est mal accordé mes verbes, puisque le film se supprimera par lui-même une fois cette période dépassée. Par ailleurs, l'Official Xbox Magazine stipulait que cette fameuse mise à jour serait disponible le 4 décembre. Rien n'a été confirmé du côté de Microsoft. Bon, voilà donc les mises à jour, c'est là que ça s'en vient. Microsoft a confirmé la rumeur en annonçant que le service Xbox Originals serait lancé le 4 décembre. La date était très bonne. Pour le moment, les jeux Halo, Psychonauts, Crimson Skies et Fable ont été confirmés comme étant les premiers jeux qui seront offerts sur le service. Chaque jeu original de la Xbox coûtera, comme annoncé dans la rumeur, 1200 points Microsoft. Par ailleurs, Microsoft offrira quelques cadeaux aux utilisateurs du Xbox Live afin de célébrer le 5e anniversaire du service en ligne. Ainsi, dès le 15 novembre, donc c'est déjà fait, le jeu Carcassonne sera offert gratuitement à tous les utilisateurs du service pour une période de 2 jours. Woohoo party! De plus, ceux étant abonnés à Xbox Live depuis 2002 recevront tout à fait gratuitement 500 points Microsoft afin d'effectuer de gros achats sur Xbox Live. Si on disait tantôt que 1200 points, c'était 15$, imaginez ce que 500 points est. C'est pas grand-chose. D'ailleurs, sur le site de Xbox.com, /en/us/games/Xbox Originals, il y a une page Issues. Il y a des problèmes par rapport au Xbox Originals. La page a été postée sur plusieurs blogs. Il y a des problèmes connus avec les Xbox Originals. Avec la plupart des titres, le logo de l'éditeur au début du jeu peut être un petit peu sautillant lors de votre première fois en train de jouer là, à cause du système de cachage. Donc, il importe dans votre console. Aussi, tous les contenus additionnels du jeu. Par exemple, les démos ou les bandes-annonces ne sont pas supportés par Xbox Originals, mais le lien est quand même là. Donc, vous pouvez quand même cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, mais vous allez faire crasher votre console, comme on appelle. Donc, vous allez devoir redémarrer votre console au complet, ce qui n'est pas très, très au point pour l'instant. Dans le jeu Crimson Skies, il y a des moments de sautillage au sommet de l'écran qui arrivent très rarement, dit la page. La phrase « Press A to continue » n'est pas là. On ne peut pas le trouver quand le joueur qui héberge ou qui accueille une partie dans un mode multijoueur, le bouton A pour continuer n'apparaît pas. En tout cas, il y a des problèmes comme ça dans Fable, dans Fusion Frenzy, dans Halo et dans Psychonauts. Dans Psychonauts, le mode HDMI n'est pas supporté pour les utilisateurs de PAL en Europe. Il y a des problèmes à régler, donc ça va être, j'imagine, réglé très rapidement de la part de Microsoft. Si vous voulez les informations, c'est sur xbox.com/en-us/games/xbox-originals. Le lien est sur lunechance.com dans l'article. Pas dans l'article, sur lunechance.com en général. Ouais. Le lien s'appelle, si je me rappelle bien, Xbox Originals Known Issues. Ça vous tente d'aller voir. Voilà qui fait le tour pour le premier bloc jeux vidéo. Regardons les jeux les plus loués la semaine dernière chez les supergroupes Vidéotron. En 10e, on va faire les 10e à 6 rapidement. WWE SmackDown vs. Raw 2008 sur PS2. Need for Speed Pro Street sur 360. Call of Duty 4 Modern Warfare sur la PlayStation 3. Mario & Sonic à The Olympic Games sur la Wii et NHL 08 sur la 360. En 5e, c'est Halo 3 sur la Xbox 360. En 4e, Need for Speed Pro Street sur PlayStation 2. En 3e, Assassin's Creed sur Xbox 360. En 2e, Call of Duty 4 Modern Warfare sur la Xbox 360. Et finalement, le jeu le plus loué la semaine dernière, c'est Super Mario Galaxy sur la Wii. Vous écoutez la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Dragonette avec I Get Around sur les palmarès anglophones de C'est Fou. Maintenant, c'est l'heure de regarder un petit peu ce qui se passe autour du net. Plein de trucs intéressants cette semaine autour du net. On commence par, encore une fois, des arrière-plans, des papiers peints. Vous savez comment j'adore changer mon fond d'écran sur mon ordinateur. Peut-être que vous aussi. Il y avait une compétition qui s'appelle Oxygen Contest for Wallpapers. Donc, Oxygen Wallpaper Contest, voilà. Ça a commencé au mois d'août avec l'équipe de Oxygen qui voulait trouver un nouveau fond d'écran pour une distribution de Linux, si je comprends bien. Donc, ils ont reçu au-dessus de 2000 images de haute qualité. La plupart sont de super beaux arrière-plans. Ils sont pas tous dans le lien que j'ai posté sur lunechance.com, mais quand même, là, vous pouvez retrouver une belle variété de fonds pour votre ordinateur. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau. Variété. Ben, pas une super grande variété, mais ceux qui sont là sont quand même très, très beaux. Donc, allez voir, c'est sur le blog de Rufi.org via lunechance.com, comme toujours. Waxi.org parle de la calculatrice de Google qui apparemment a quelques petits gadgets qui sont pas supposés être connus des gens, mais que les gens ont quand même trouvé. Hein? Donc, si tu tapes dans la nouvelle calculatrice de Google, si tu tapes pendant combien de temps, ben, en anglais, pendant combien de temps peux-tu faire jouer un iPod 30 gigs sans répéter aucune chanson? La réponse est 18,2 jours. Hein? Comment d'espace de disque dur est-ce qu'une heure de MP3 en 128 kbps prend? Ben, c'est 56,25 mégaoctets. Combien de secondes dans une décennie? La réponse, 315 569 260 secondes. 98,6 degrés Fahrenheit en Celsius. Réponse, 37 degrés. Combien de pieds dans un smoot? La réponse, 5,58. J'ai aucune idée ce que c'est. Quelle est la réponse de la vie, de l'univers et de tout? Réponse, 42. La réponse à la vie. Oui. Et puis, multiplié par la vitesse de la lumière divisé par 3 cuillerées à thé. Réponse, 8,51. Blablabla. Et quelle est la vitesse de notre DeLorean? Ça, c'est dans le film Retour vers le futur, quelque chose comme ça. Si on retourne dans le temps. Réponse 47, quelque chose. Je trouve ça cool. C'est juste le fun. C'est vraiment cool. Ensuite, tiens, alors ça, qui dit que Facebook est quelque chose de sécuritaire? On en parlait un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, de plus en plus, non seulement des jeunes utilisent Facebook, mais aussi des gens de la trentaine. Et puis, des patrons ou des gens comme ça qui travaillent dans des grandes entreprises, n'importe quoi. Donc, Kevin Colvin, un stagiaire chez Anglo-Irish Bank, une banque évidemment, hein, dans leur bras nord-américain, voilà. Il s'est fait prendre. Et quand il a dit à son gérant, Paul Davis, qu'il allait rater un peu de travail à cause d'une urgence familiale, si on veut. Donc, Davis a fait une photo, a pris une photo de Kevin Colvin, de son Facebook, et puis lui a redit ça dans son courriel. Bon, l'histoire en ordre, d'accord. Colvin a écrit un courriel à Paul, d'accord, en disant, bon, je voulais juste vous dire que je pourrais pas venir au travail demain, il se passe quelque chose, il faut que j'aille à New York ce matin pendant les prochains jours, je m'excuse pour de vous l'avoir dit en retard. Et là, Paul qui répond à Kevin et il dit, merci de nous avoir de nous l'avoir fait savoir, on espère que tout va bien à New York. Et en parenthèse, il dit, jolie ta baguette. Puis il poste en attachement la photo du gars avec une baguette puis une bière dans les mains. Je sais pas, ça devait être un party costumé. Donc c'est vraiment très très drôle. Si vous allez voir la photo, les échanges courriels textuellement sont tous sur le site de valleywag.com. Essayez de pas faire ça, vous. Si vous dites à votre patron que vous serez pas là, au moins barrez votre compte et n'ayez aucun de vos collègues ou aucun ami d'un ami d'un ami d'un collègue dans votre compte Facebook. Ensuite, viadig.com, une animation d'une femme dessinée en série d'images. En fait, c'est un gif animé. Donc, on voit la fille en train d'être dessinée à la main dans un gif animé. C'est très, très mignon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Animation Flash, ça s'appelle findyourblindspot.com. Et dans cette animation Flash, vous allez apprendre à trouver votre blind spot. Là. Vous savez, un blind... C'est dommage que je ne l'ai pas en français avec Blind Spot, c'est en fait. Mais c'est un joli petit jeu. Essayez d'aller suivre ça. Si vous comprenez un petit peu moyennement l'anglais, ça vous dit de fixer une étoile ou un rond. Et puis, vous allez trouver votre ce qu'on appelle Blind Spot en anglais. Je m'excuse de ne pas avoir le mot en français. Voilà qui fait le tour pour le premier bloc d'Autour du Net. Il y en a plusieurs autres sites intéressants plus tard dans l'émission, mais avant, regardons les jeux qui sont les plus cherchés sur GameSpot.com, c'est-à-dire les jeux les plus populaires en tout, là, que ce soit des jeux qui sont sortis ou des jeux qui ne sont pas sortis. Tout va en même temps là-dedans. En cinquième position, on retrouve Call of Duty 4 Modern Warfare de Activision sur PC. Le score est de 9.0. En quatrième, c'est Assassin's Creed de Ubisoft sur la PlayStation 3 avec 9. En troisième, Super Mario Galaxy de Nintendo sur la Wii avec 9.5. En deuxième, Crysis de EA Games sur le PC avec 9.5. Et le jeu le plus populaire en ce moment même, c'est Assassin's Creed de Ubisoft sur la Xbox 360 avec 9.0. Point. Hein? Vous écoutez La Connexion. C'est fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. On parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Alexandre Champigny avec Aspiration, c'est sur le palmarès francophone de Sifu cette semaine. Vous écoutez La Connexion et dans la deuxième heure, on va parler entre autres d'Atari et de Mass Effect qui est banni à Singapour et aussi de cours de jeux vidéo au cégep de Matane. Ça, c'est dans la deuxième heure de la connexion à C'est Fou 89.1 FM. Dash.com, Dash.com, de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, on va parler entre autres d'Atari qui perd son PDG, de Mass Effect qui est banni à Singapour, de YouTube en version haute définition et de Take-Two. L'affaire Hot Coffee est enfin réglée. Ça me rappelle les souvenirs, ça me ramène dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Back in the day. C'est bon. Pas de le fun. Tout le monde écoutait Bon Jovi pis Dépêche Mode. Tout le monde disait partout que le hip hop c'était juste une mode. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Personne n'y a, j'fais ça ma façon. J'fais ça frais, c'est bon dans ma maison. Un saut à petite house comme combinaison. Ça met pas de but, mais c'est cool à maudit. J'rappe pas en anglais, mais c'est pas par choix. Le seul en québécois que j'ai, c'est quoi? C'est rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rappelle-moi donc, c'est quoi? King du hip-hop, j'rope des moves de break comme dans Robocop. Sur le dos, sur le vent, up and down, flip-flop. Back in the days, j'ai pas peur d'un rapper. Back in the days, j'suis dans des hip-hoppers. Back in the days, I'm a good. Allez, frérot. TPMD, Grandmaster Flash. Tous les après-midi, j'suis le sound dash. Fait style gratuit dans la langue de Jean-Arrache. Back in the days, j'ai connu ces rockers. Back in the days, j'suis mon ghetto blast. the fast man. Avec Back in the Days dans le bon vieux temps à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique, de jeux vidéo, l'émission la plus rapide des ondes. Maintenant, c'est l'heure du deuxième bloc jeux vidéo. Suivons le fil de ces nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine, deuxième partie. On commence par Atari qui tente de surmonter ses nombreux problèmes et cela se fera sans David Pierce. En effet, ce dernier a quitté son poste de PDG, président-directeur général de la firme américaine, celle-ci étant présentement à la recherche de remplaçants pour occuper les anciennes fonctions de Pierce. Pierce a occupé le poste de PDG pendant un peu plus d'un an chez Atari en attendant de trouver un remplaçant. Curtis G. Salzvig III occupera ce poste par intérim. Par ailleurs, Atari a vendu les droits d'une autre de ses franchises, mais pas à un compétiteur cette fois-ci. En effet, la franchise Test Drive a été vendue à Infogram, compagnie mère de la firme américaine. Selon les termes de l'entente conclue entre les deux compagnies, Atari recevra une avance de 5 millions de dollars en royauté et Infogram détiendra la série Test Drive pendant une période de 6 ans au cours desquels elle mettra au marché au moins deux nouveaux opus de cette franchise. Enfin, comme déjà annoncé par le passé, Atari ne détient plus de studio interne de développement. Non, c'est fini. Ça signifie qu'elle a mis un terme à la production de jeux. Plus de jeux Atari. La compagnie a aujourd'hui annoncé qu'elle allait concentrer ses efforts sur la distribution et la publication de jeux en Amérique du Nord en se rétractant de toute forme de développement de jeux. Triste nouvelle de la part d'Atari, c'est sur le site de rgamers.com. Sur jeuxexpress.com maintenant. Selon Reuters, Mass Effect aurait été banni à Singapour. En effet, la Singapore's Media Development Authority a jugé qu'une scène d'amour entre une femme humaine et une femme extraterrestre était offensante. Dans les faits, bien que l'extraterrestre ressemble à une femme, il fait partie de la race des Asari, qui est monogenre. Tout indique que le jeu de rôle de Microsoft et de BioWare ne sera donc pas disponible à Singapour à cause d'une scène d'amour. Il subira donc le même traitement que God of War 2 pour la nudité et The Darkness pour violence et offense face à la religion, pour ne nommer que ceux-là, dit l'article. Maintenant, document de presse envoyé par le cégep de Matane. Voilà. Les jeux vidéo vous passionnent? Apprenez à les créer en bénéficiant de programmes de formation reconnus par l'industrie du jeu vidéo. Le cégep de Matane, via son service de formation continue Groupe Collégia, offrira deux attestations d'études collégiales en animation 3D orientée jeux vidéo dès février 2008. L'un de ces programmes sera offert au campus Ubisoft à Montréal et l'autre à Matane. Malgré deux sites de formation distincts, les programmes offerts sont identiques. Les étudiants bénéficient d'un encadrement pédagogique et des techniques similaires. Les personnes qui sont intéressées peuvent obtenir de l'information et recueillir les formulaires de dépôt de dossiers de candidature avant le 7 décembre sur le site web du Groupe Collégia à l'adresse suivante www.collegia.qc.ca sous l'onglet formation à temps plein. Le lien est sur le unechance.com si ça vous intéresse. Pour des informations, vous pouvez aussi aller sur campusubisoft.com. Si une carrière dans les jeux vidéo vous intéresse, voilà votre chance. Nommé l'année dernière. Toujours, c'est bien ce que je voulais dire. Toujours empêtré dans les suites judiciaires de l'affaire Hot Coffee, et ce malgré un accord conclu l'an dernier avec la FTC, Take-Two a mis la main au portefeuille afin de régler une bonne fois pour toutes les class action suits, ces plaintes collectives là déposées par des consommateurs assez fréquentes aux États-Unis, à condition de montrer une preuve d'achat et de certifier qu'il a été offensé par le mode Hot Coffee, qui permettait, bon, on l'explique un peu, qui permettait à condition d'utiliser un mode spécifique, ça veut dire vraiment, il fallait, gosser vraiment fort pour l'avoir, cette petite scène-là. Donc, ou un action replay, un petit gadget avec des codes. Donc, vous pouviez assister aux galipettes amoureuses du personnage CJ. dans le jeu Grand Theft Auto. San Andreas, voilà. Donc, le mode Hot Coffee, c'était une grosse affaire il y a quelques années de ça. Donc, l'acheteur outré et plaignant dans l'affaire donc pourra recevoir un exemplaire expurgé de Grand Theft Auto San Andreas ou $35 de dédommagement pour avoir été offensé, gêné par le mod qu'il a lui-même essayé volontairement de craquer pour réussir à le voir. Oh, ça me fait capoter. Non, mais sérieusement. Cet accord doit encore recevoir l'éventuelle bénédiction du tribunal de New York pour être appliqué dans quelques jours. L'article date du 13 novembre dernier, donc c'était déjà fait. Si Take-Two précise dans son communiqué être certain d'être dans son bon droit et donc sûr de gagner devant un tribunal, l'éditeur préfère cependant régler l'affaire à l'amiable afin de ne pas avoir à supporter un procès long et certainement coûteux. Il compte néanmoins dépenser 1,025 million à 2,75 millions de dollars entre 700 000 et... non, c'est ça. Des euros pour honorer cet accord. Donc, en gros, là, ça n'a vraiment aucun sens. Mais bon, ils veulent s'éviter un long procès, là, mais quand même, donner de l'argent à quelqu'un qui a volontairement été cherché pour avoir le patch, pour réussir à craquer le jeu, pour réussir à voir cette scène-là. Ridicule. Voilà qui fait le tour pour les jeux vidéo cette semaine. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus de nouvelles de jeux vidéo. Il n'y en a aucune autre. Aucune autre. On a fait le tour complet. Non, c'est pas vrai. On parle des nouvelles que moi, qui m'ont marqué cette semaine. Il y a plein d'autres trucs qui sont passés, mais quand même. Regardons un petit peu les jeux les plus vendus au Japon la semaine dernière. En fait, c'est pour la semaine. Voilà, du 5 au 11 novembre dernier. En cinquième, au Japon, on retrouve Dynasty Warriors 6 sur la 360. En quatrième, c'est Final Fantasy Tactics Advance 2 sur la DS. En troisième, Super Mario Galaxy sur la Wii. En deuxième, Dynasty Warriors 6 sur la PlayStation 3. Et en première, c'est Mario Party DS sur la Nintendo DS. Et finalement, côté console, les plus vendus selon l'Institut, la société Media Create au Japon la semaine dernière, ou il y a deux semaines. En troisième, PlayStation 3 avec presque 56 000 ventes. En deuxième, la PSP avec 59 000 ou proches ventes. Et le numéro 1 des consoles la plus vendue, c'est la Nintendo DS avec presque 80 000 ventes pour un total de presque 20 millions en tout. Voici Sundry Lurky et To Be Surprised, parce que tout ça ne me surprend pas. Say, did you ever stop to thank God along the way? But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. I'm not gonna stay. Obvious observations everybody makes. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. The way so tired through a mic. But baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. It's all I know. say that we'll get by. We'll be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. Baby, be prepared to be surprised. Better be prepared to be surprised. It's all Sondre Lurky avec To Be Surprised. Avant de passer à la pub, voici notre quiz musical de la semaine, nommé le jeu suivant. On revient à un jeu difficile cette semaine. Je vous donne seulement la console sur laquelle le jeu se trouve. C'est sur Sega Dreamcast. La réponse au retour à la connexion à C'est Fou 89.fr. Juste avant la pause, je vous ai demandé de nommer le jeu que vous entendez en ce moment. Je vous donne encore quelques secondes pour y penser. Pas facile. Le jeu est sur Sega Dreamcast et c'est Space Channel 5 avec la belle Oulala. Oulala. Oulala. Bon, retour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans quelques minutes, la deuxième partie du fil informatique, on va parler entre autres de YouTube en haute définition et de Vlog qui a enfin retiré les ondes. Aussi le fil technologique avec les cadeaux les plus populaires dans les articles électroniques pour Noël. Ça va être génial, mais pour l'instant, voici une bonne vieille pièce de Major Billet. Vieille dans le sens de récente, dans le fond. C'est sur les palmarès en ce moment. Dans ce genre, dans ce sens-là que... Le monde se passe, le peu qui excite t'attire l'immochant de vieux pays qu'on fait durer. Une tranche de vie, le boîtier que tu gardes en dents et que tu sens pas. Que tu gardes en dents et que tu sens pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent. qu'est-ce qui met de bonne humeur, peu importe le temps qu'il fait dehors, peu importe ce qui se passe dans votre journée, c'est une pièce tellement de bonne humeur. C'est Major Bidet avec Les Mouches, ça vient de leur album qui s'appelle La vie qui file avec la tapisserie, c'est sur les palmarès francophones de C'est fou cette semaine, et je comprends donc que ça monte tout le temps, ça. Je crois que ça a redescendu, mais bon. Donc, c'est l'heure du fil informatique, deuxième partie. Quelques autres nouvelles vraiment intrigantes pour moi. On commence par YouTube qui s'apprête à lancer une version haute définition, high def, des vidéos sur son site web, selon ce qu'a annoncé le cofondateur de l'entreprise, Steve Chen, la semaine dernière lors de la conférence New TV à San Francisco. Dans un entretien avec CNET, le cofondateur a même avancé que les premières vidéos HD pourraient faire leur apparition d'ici 3 mois. Dans 3 mois, l'entreprise rachetée par Google pour 1,65 milliard de dollars aura exactement 3 ans. YouTube teste présentement un nouveau lecteur qui détecterait la vitesse de la connexion des usagers et choisirait la qualité de la vidéo en conséquence. Plusieurs détails techniques restent toutefois à régler, notamment l'optimisation d'un temps de mise en mémoire cache qui ne rebuterait pas les utilisateurs. YouTube conserve toutes les vidéos envoyées par les usagers dans leur format original, ce qui permettra de diffuser même les anciennes vidéos en format HD, ce qui est génial. Plusieurs seraient toutefois limitées à 320 par 240 pixels et le passage à la haute def n'améliorerait pas leur qualité. La conférence New TV avait pour thème réinventer la télévision et elle avait lieu la semaine dernière à San Francisco. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'article YouTube en version haute définition sur leunechance.com. Nouvelle qui, moi, c'est un petit peu aigre-douce, sucré-salé, etc. Là, pour moi, vlog est retiré des ondes. Je vous l'apprends peut-être pour la première fois parce que vous l'avez regardé hier avec grande attention. Là. Selon le quotidien Le Soleil, le réseau TVA aurait décidé de retirer des ondes l'émission Vlog, co-animée par Dominique Arpin et la très naturelle Geneviève Borne. Après seulement 10 semaines de diffusion, TVA ne présentera plus cette émission car le diffuseur juge que celle-ci n'est pas à la hauteur de ses attentes. Les 10 autres épisodes prévus pour l'hiver sont également annulés, cancellés, retire, hire out. Cette émission, qui attirait tout de même une moyenne de 592 000 téléspectateurs à chaque semaine, montrait des trouvailles du web sous la forme de petites vidéos avec des commentaires tous plus amusants et originaux les uns que les autres. D'une durée d'une demi-heure, Vlog était souvent diffusé en retard à cause d'Occupation Double et Le Banquier, deux autres émissions à succès et à grand dénouement et talent. Sur le site internet de Vlog, Dominique Arpin affirme qu'il est bien sûr déçu. Il rappelle qu'il a investi de nombreuses heures sur ce projet. Il faut tous le flatter maintenant dans le sens du poil. Par contre, il prétend que l'aventure lui a procuré quand même beaucoup de bonheur. Enfin, il est fier d'avoir créé la première émission du genre au Québec. On ignore encore si Dominique Arpin regagnera le bulletin d'information de TVA. Il l'avait en effet quitté pour se concentrer exclusivement sur sa nouvelle émission. Là. Vlog reviendra peut-être sur les ondes au printemps 2008 dans une formule améliorée. On verra bien. Je vois pas ce qu'il pourrait améliorer vraiment. Quoi qu'il en soit, le dernier épisode de Vlog sera présenté le 2 décembre prochain, donc c'est pas encore terminé. Vous avez encore le temps d'enregistrer ça sur votre vidéo là, et garder des souvenirs de ça pour les amener les années à venir et montrer ça à vos enfants. Vous êtes tellement heureux. Apple va présenter un peu cynique. Apple présentera au public un nouvel ordinateur ultra portable lors de son prochain congrès Macworld en janvier 2008, selon Apple Insider. Selon le magazine, l'ordinateur Apple disposerait d'un écran de 13 pouces. Il serait jusqu'à 50% plus léger que l'actuel MacBook Pro de 15 pouces. Apple Insider soutient que l'entière capacité de stockage de l'ordinateur va être sur mémoire flash. C'est l'original là-dedans, c'est ce qu'il y a de nouveau. Permettant aussi ainsi d'économiser plus d'énergie qu'avec un disque dur régulier, tout en optimisant le temps de démarrage de l'ordinateur. Toujours dans un souci d'économie d'énergie, Apple aurait opté pour utiliser des diodes électroluminescentes ou des LED dans son écran plutôt que des Cold Cathode Fluorescent Backlight ou des CCFL. Bien que le choix des diodes entraîne des coûts de fabrication supplémentaires pour Apple, elles offrent en plus de l'économie d'énergie une qualité d'image supérieure, des contrastes plus élevés et ont une durée de vie plus longue que celle des CCFL, donc que des bonnes nouvelles excepté pour le prix. Finalement, Apple Insider soutient que la compagnie a décidé d'inclure un graveur régulier de CD-DVD dans l'ordinateur, bien que certains concepteurs auraient préféré de l'omettre afin que l'ordinateur soit encore plus compact. Non, mais non. Faut pas enlever les lecteurs CD et DVD des portables. Commencez pas à faire ça, s'il vous plaît. Rappelons que Apple Insider avait déjà annoncé en février dernier que la compagnie de Steve Jobs était intéressée à produire prochainement un ordinateur ultra-portable. Donc, je peux comprendre que quelqu'un veuille un ordinateur léger, mais de là à pas mettre de lecteur CD-DVD dedans, je pense que c'est poussé un petit peu trop, là. Ce serait vraiment pas pratique du tout de devoir tout aller sur un autre ordinateur, mettre ça sur une clé USB, non, ça n'a juste plus de sens. SanDisk a dévoilé la semaine dernière le Volter Disk, une solution de stockage semi-conducteur qui œuvre simultanément avec le disque dur d'un PC pour stocker et lancer les logiciels et le système d'exploitation, améliorant ainsi les performances de l'ordinateur. Le module PCI Express permettra d'exploiter la vitesse de la mémoire flash pour les fichiers qui sont ouverts fréquemment, tout en continuant à utiliser un disque dur rotatif pour le stockage de masse des autres données, un genre de combiné hybride. Sandisk que Vulture Disk tire parti des meilleures caractéristiques natives d'un module basé sur la mémoire flash et d'un disque dur, selon le directeur des produits Vulture chez Sandisk. C'est le fonctionnement en parallèle de Vulture et du disque dur qui fournit une solution économique pour les utilisateurs de PC grand public qui vont bénéficier de la performance de mémoire flash. Le Sandisk Vulture Disk a été honoré au cours d'une conférence de presse à CES Unveiled, où la Consumer Electronics Association, la CEA, l'a nommé meilleure innovation de 2008 dans la catégorie des technologies clés. Sandisk Vulture Disk sera offert aux équipementiers, ce qu'on appelle les OEM, là, ceux qui font les ordinateurs, qui les vendent, au début de l'année prochaine dans des disques, dans des capacités pardon, allant de 8 gigaoctets à 16 gigaoctets, ce qui n'est pas énorme encore, mais avec le temps, ça va grimper. Voilà qui fait le tour du fil informatique, deuxième partie, et pour le fil informatique en général, regardons les jeux qui ont été les plus vendus et les consoles pour les États-Unis, contrairement au Japon de tantôt. C'est pour la semaine dernière, selon le cabinet d'études NPD. Côté jeu, tiens, en troisième position, on retrouve Guitar Hero 3 Legends of Rock sur la Wii. On le retrouve sur PlayStation 2 en quatrième position, pour ceux que ça intéresse, et en deuxième position sur Xbox 360. Donc 4-3-2, ça fait PlayStation 2, Wii et Xbox 360 pour Guitar Hero 3 Legends of Rock. Et en première, le jeu le plus vendu, c'est sur Xbox 360, c'est Halo 3, toujours. Et côté console, en cinquième position, c'est la PlayStation 2. En quatrième, la PSP. En troisième, Xbox 360. En deuxième, la DS. Et en première, c'est la Nintendo Wii. La console la plus vendue, selon NPD. Au retour de cette pièce de Stars, qu'on fait un petit peu changement, on change de pièce, tout le temps la même qui joue, c'est The Night Starts Here, la deuxième pièce de l'album In Our Bedroom After the War. Et après la pièce, on parle un petit peu de technologie et on regarde les nouveaux jeux en magasin. J'ai comment raté le début de ça. C'est pas grave, ça arrive. Forget your fear. The night starts here. The night starts here. Forget your name. Forget your fear. The pleasure part. The afterthought. The missing stone in the graveyard. The time we have. The task at hand. The love it takes to become a man. The dust at dawn is rained upon, attaches itself to everyone. No one is spared, no one is clean. It travels places you've never been or seen before. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop a coin into the sea and shout out, please come back to me. You name your child after your fear and tell them I have brought you here. The pleasure part, the aftershock, the moment that it takes the fall apart. The time we have, the task at hand, the love it takes to destroy a man. The ecstasy, the being free, that big black cloud over you and me. And after that, the upwards fall. Were we angels after all? I don't know, I don't know. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop a coin into the sea and shout out, please come back to me. You name your child after your fear and tell them I have brought you here. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop your soul into the sea. Stars avec The Night Starts Here de leur album In Our Bedroom After the War. Stars qui est sur les palmarès anglophones de C'est Fou cette semaine avec Bitches in Tokyo. Maintenant, on arrive à la fin de l'émission. Regardons un petit peu ce qui se passe rapidement dans le fil technologique. Selon un sondage effectué par Staples Business Depot, bureau en gros, auprès de plus d'un million de Canadiens, les gadgets technologiques seraient les cadeaux que la majorité des gens aimeraient donner ou recevoir pour Noël. Je crois pas qu'il fallait une étude pour ça, mais quand même, c'est bon de savoir lesquels ils veulent. Selon ce sondage, la moitié des Canadiens, on parle d'exactement 50%, ne seraient pas mécontents de recevoir un article électronique pour Noël. Les produits en tête cette année sont les appareils photo numériques, les cadres photo numériques, les ordinateurs portables, les appareils de navigation GPS, les iPods et les lecteurs MP3. Les appareils photo semblent figurer parmi les présents techno les plus demandés. En effet, 31% des gens souhaiteraient en donner ou en recevoir un en cadeau. Les iPods et les MP3 sont aussi toujours populaires. 29% des Canadiens aimeraient effectivement soit en recevoir un ou en donner un en cadeau. Donc voici la liste des 5 gadgets technologiques les plus demandés cette année selon Staples Business Depot, bureau en gros, via branchezvous.com. Les prix mentionnés sont ceux de bureau en gros, évidemment. En cinquième position, appareil photo numérique Canon PowerShot A560 pour 200$. En quatrième, ordinateur portable Toshiba Satellite A200 Trésillon TJ9 bilingue pour 1100$. En troisième, cadre photo numérique Kodak EasyShare de 8 pouces pour 170$. En deuxième, système de navigation automobile GPS Mio DigiWalker C220S pour 200$. Et le cadeau le plus demandé, c'est iPod Nano argent de 4 gigs de Apple pour presque 155$. Voilà qui fait le tour déjà pour le fil technologique. Vous voyez que j'ai comme pas pris grand-chose. Maintenant, regardons les nouveautés en magasin cette semaine. Les joueurs sont vraiment gâtés cette semaine, encore une fois, comme depuis les derniers mois. Là, deux des plus gros jeux de l'année sont enfin là avec la présence de Uncharted Drake's Fortune, qui se pose en digne héritier de Tomb Raider, dit rgamers.com, et de Mass Effect, qui est pour les amateurs de RPG. Mais commençons par le commencement, comme on dit, avec les jeux qui sortent sur plusieurs plateformes en même temps. Sur PC, PS2 et Xbox 360, on retrouve Final Fantasy XI Wings of the Goddess. Sur PC, PS2 et Xbox 360, c'est Phantasy Star Online Ambition of the Illuminous. Sur PC et PS2, History Channel Battle for the Pacific. Sur PS2, PS3 et Xbox 360, on retrouve College Hoops 2K8. Et sur PS2 et Nintendo Wii, Star Trek Conquest. Sur la Nintendo DS maintenant, Clou slash Mousetrap slash Perfection slash Aggravation, un rassemblement de mini-jeux de DSi Games. On retrouve aussi CSI Dark Motives, basé sur la série Les Experts, Godzilla Unleashed Double Smash, John Deere Harvest in the Heartland, un jeu de tondeuse, j'imagine, Final Fantasy XII Revenant Wings, Pets Hamsters 2, Mario Party DS, donc le célèbre Mario Party sur la DS, et finalement Strawberry Shortcake The Four Seasons Cake. Sur PC, Baby Love, Black College Football Experience, Sega Rally Evo, Incursion, Unreal Tournament 3, Escalon Book 1, et Kane et Lynch, Dead Men. Sur PlayStation 2, Godzilla Unleashed, Pets Dogs 2, Cabela's Monster Bass, Fire Pro Wrestling Returns, Seven Wonders of the Ancient World, Luxor Pharaoh's Challenge, The King of Fighters 11 et Swashbucklers Blue and Grey. Sur PlayStation 3 maintenant, Uncharted Drake's Fortune, enfin, Time Shift, Soldier of Fortune Payback, Time Crisis 4, Medal of Honor Airborne et The Elder Scrolls 4, Shivering Isles. Sur Nintendo Wii maintenant, Monster Jam, AMF Bowling Pin Busters, Ghost Squad, Soul Calibur Legends, Link's Crossbow Training, le jeu d'entraînement pour jouer avec... En tout cas, Showtime Championship, ben, on a parlé il y a quelques semaines et là, je me rappelle déjà plus que le mot crossbow, des flèches de l'arc, du tir à l'arc, voilà. Showtime Championship Boxing, Trauma Center New Blood, Indoor Sports et Geometry Wars Galaxy, qui a l'air très très bon. Et sur Xbox 360, Avatar The Last Airbender et puis Mass Effect de Microsoft qui sort aussi sur la 360 cette semaine. C'est cette semaine que paraît sur DVD la troisième aventure de l'ogre Shrek et Activision a bien l'intention d'en tirer profit, du moins sur Xbox Live Arcade. Donc, ils vont lancer le jeu Shrek and Roll sur ce service de l'Xbox 360, accompagné du jeu Screwjumper, distribué par THQ. Donc, Shrek and Roll, c'est un jeu de casse-tête et Screwjumper, c'est le 100e jeu lancé sur Xbox Live Arcade. C'est un jeu qui permet de personnifier un cascadeur tombant dans les profondeurs d'un monde chaotique. Du côté de la Virtual Console cette semaine, des jeux un peu moins connus du grand public pour faire changement des Mario Bros 3 et autres. En plus de Volleyball, vous allez pouvoir prendre part à une quête épique à travers Blue's Journey ou encore vous aventurer dans les cieux avec Axelay. C'est sur la Virtual Console de la Wii cette semaine. The Hollywood Reporter a mis la main sur des informations plutôt intéressantes au sujet de la franchise Terminator. En effet, non seulement aura-t-elle droit à un autre jeu, mais celui-ci viendra d'un studio interne mis sur pied par la firme détenant les droits de la série Terminator. Donc, The Alcyon Company, qui détient tous les droits en ce qui concerne Terminator, a annoncé qu'elle va former son propre studio de développement afin qu'il produise un jeu basé sur le quatrième film de la franchise. Le quatrième film de la franchise intitulé Terminator Salvation, The Future Begins. Le jeu va être offert pour toutes les plateformes et est déjà en développement depuis plusieurs mois. Ça devrait être lancé en même temps que le film soit à l'été 2009. Voilà. Et finalement, mauvaise nouvelle pour les joueurs canadiens, mais très bonne pour Activision et son Guitar Hero 3. En effet, Electronic Arts et MTV Games ont annoncé que le jeu Rock Band est retardé au Canada et qu'il ne paraîtra pas maintenant, mais seulement le 17 décembre prochain dans notre beau pays, dit l'article de hardgamers.com. Sauf que ça affecte aucunement la sortie du jeu aux États-Unis, qui est toujours prévu pour le 20 novembre dans quelques jours sur Xbox 360 et PlayStation 3 et le 18 décembre sur PlayStation 2. Aucune raison n'a été mentionnée pour expliquer le délai, bien que la traduction du manuel d'instruction puisse être en cause. Certains affirment également que EA a préféré retarder la sortie canadienne du jeu en raison de la pénurie qu'elle envisage pour le jeu Rock Band. Voilà qui fait le tour des nouveautés en magasin dans la chronique bientôt sur vos écrans. Maintenant, regardons les jeux les plus trichés cette semaine sur GameFAQs.com. En cinquième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En quatrième, Zelda Phantom Hourglass sur la DS. En troisième, Final Fantasy XII sur la PlayStation 2. En deuxième, c'est COD 4 Modern Warfare sur Xbox 360. Et en première, c'est Super Mario Galaxy sur la Nintendo Wii. Voilà qui fait le tour pour ça. Tiens, j'ai posté quelques affaires, là. On pourrait appeler ça des trucs, des machins, des bidules. Sur le site de l'émission au www.unechance.com, on va regarder, tiens, pourquoi pas ensemble, là, pendant qu'on est là, vous, on parlait tantôt de vlog qui a enfin été retiré des ondes, là. Regardons un petit peu des vidéos dans la chronique en attendant un vlog. On va peut-être devoir la changer de nom, par exemple, je dis ça comme ça. Tiens, Cowbell Hero. Oh, wow, Cowbell Hero. C'est simplement des personnages de manga japonais ou de dessin animé qui jouent à la cloche à vache. c'est vraiment niaiseux, c'est juste ça. Je sais pas d'où ça vient. Mais bon, AMVL4, AMVL.com, c'est la source du vidéo, mais c'est juste de la cloche à vache. Je trouve ça vraiment très, très beau. Tiens, ensuite, le prochain vidéo qu'on va regarder ensemble, c'est la nouvelle publicité d'Apple. Vraiment très, très bien. Vous connaissez tous la campagne d'Apple avec un gars qui joue le Mac et le gars qui joue le PC. Hein? C'est « Bonjour, je suis un Mac. Bonjour, je suis un PC. » Et puis là, évidemment, on n'a pas QuickTime sur l'ordinateur, donc on ne pourrait pas la regarder. C'est dommage, mais je trouve ça tellement drôle comme publicité. C'est vraiment le gars qui dit genre que Vista n'est pas autant aimé. Il y a des gens qui retournent à Windows XP. Et puis là, ben, il s'explique ça puis d'une façon très, très cocasse. Ensuite, prochaine vidéo, « Harder Bodies, Faster, Stronger ». C'est deux personnes habillées en genre de petits shorts et en petits tops et avec des boîtes métallisées sur la tête avec une bande pour c'est ça. C'est sur la toune, là, tu sais. Vous l'entendez? C'est juste eux en train de danser. Et ça marche bien gros sur Internet en ce moment, ça. Avançons un petit peu. Qu'est-ce qu'on retrouve pas sur Internet? Hein? Ensuite, tiens, Hot Teen Busted by Dad Dancing on Webcam. Une vidéo très populaire sur LiveLeak.com et d'autres sites où on voit une jeune fille comme ça danser en train de faire un genre de striptease. Striptease? Sur sa webcam. C'est très, très osé, holé, holé. Jusqu'à temps que son père entre dans la pièce. Ça, c'est un petit peu moins osé, par exemple. Le voilà qui entre. Oh non! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tu penses vraiment qu'une fille devrait faire ça? C'est pas un comportement correct. Donc c'est ce que le père dit. C'est une belle adolescente comme ça. Allez voir le lien dans la chronique en attendant vlog sur lunechance.com. Ensuite, tiens, ah, Prince of Persia. Vous connaissez le jeu Prince of Persia, hein, le prince du Persil. Bon. Dans l'émission de Tale Life, hein, ils ont fait un petit bout de l'émission qui a rapport avec Prince of Persia. Bon. Il y a une référence de fichiers, mais pas de fichiers qui s'appellent comme ça sur le ordinateur. Bon, apparemment qu'ils ont vraiment pas présenté comment le jeu Prince of Persia est vraiment. Ils disent qu'il y a un fichier Excel dedans, ça comme pas rapport, mais bon. Les nerds, hein? Les nerds qui aiment pas qu'on parle de jeux vidéo dans les émissions, parlent des émissions qui ou des créateurs des émissions ou des scripteurs d'émissions qui savent vraiment pas comment ça fonctionne dans la vraie vie. You think you can get to level 10? Au moins, ils ont vraiment montré une vraie console Xbox et non pas une console pas branchée, quelque chose du genre comme on voit souvent dans des publicités. Ensuite, tiens, oh oui, ça c'est bien. The Cal Marching Band's Amazing 16-Bit Video Game Halftime Show. D'accord. C'est via gizmodo.com que j'ai trouvé la vidéo. Je crois que la vidéo est sur YouTube, exactement. Peu importe. Donc, Video Game Show Cal vs. Washington State, c'est un match de, je crois, football. C'est le Cal Band qui joue le spectacle de la mi-temps un petit peu plus tôt ce mois-ci. C'est leur Video Game Show, comme ils l'appellent, et c'est pas mal la chose la plus cool de tous les temps, dit Gizmodo. Ils jouent un paquet de chansons là, les plus classiques. Là, on parle de Pong, on parle de Tetris, Zelda et Mario, et apparemment, c'est vraiment génial. Je l'ai pas encore vu, je vais le voir en même temps que vous. Apparemment, que ça donne envie encore plus de jouer à Nintendo en ce moment même. Pourquoi pas? On va les avancer un petit peu. Oh wow! Oh wow, c'était triste! Wow! Avançons un peu. Encore un peu. Ah ouais, ils font même en plaçant leur personne eux-mêmes de façon différente, ils recréent le beau petit logo triangulaire là de Zelda. C'est beau. Ah, j'ai envie de le regarder au complet avec vous. C'est tellement beau. Tout est mu. Allez voir sur gizmodo.com, l'article est sur le unechance.com, cliquez sur The Cal Marching Band's Amazing 16-Bit Video Game Halftime Show. C'est quelque chose à voir, je trouve ça absolument génial. Tiens, finalement, j'ai posté aussi sur le site quelques jeux pour le bureau, l'Auto Jam Thing, Headcase, Exit, un jeu qui a rapport un petit peu, qui a le look de Excel. Si vous voulez jouer à Exit au travail, ça va avoir l'air d'Excel. Il y a aussi Heather Cannon et puis Ragdoll Invaders, quelques gadgets aussi, dont un siège de toilette musical pour vos fesses, hein, et un sac à dos en forme de Chewbacca. C'est sur lunechance.com, c'est la place à aller voir si vous voulez passer, comment dire, un excellent après-midi. Excellent, je dirais. Oui. Et puis autour du net, tiens, quelques petites affaires extrêmement rapidement parce qu'il nous manque vraiment beaucoup de temps. Il nous reste à peine une minute. Tiens, l'image du jour de FourColorRebellion.com, c'est Mario qui entre dans la troisième dimension. Donc, c'est une image qui mixe, qui mélange à gauche la version 8-bit sur la NES de Mario et à droite, Mario s'il était un humain avec un gros nez, une grosse moustache puis une boule de feu dans les mains. Il a bien une grosse salopette puis des rides. Hein? Ça fait pas ça que ça allait l'air. C'est ce que ça dit. Tiens, un démo de la PlayStation, du PlayStation Eye. Il y a aussi Super Mario Galaxy. Si vous vous demandez comment le mode multijoueur fonctionne dans Super Mario Galaxy, ben allez voir ça. Et... Oh! Ah! Ça fait une belle musique de fin, ça. Mais malheureusement, ceci est la musique de fin. Non, pas ceci. Non, vraiment pas. Ceci. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. C'est tellement joli quand je fais ça. Maintenant. C'est la fin de la connexion pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Tous les liens sont sur lunechance.com ainsi que la balado-diffusion. Vous voulez écouter le MP3 de la semaine, vous remémorer, là. Vous avez manqué un moment, peut-être. Vous voulez juste le réentendre. C'est le www.lunechance.com. Moi, je vous retrouve à la chance au coureur en direct les vendredis matin à 10h et au palmarès, c'est fou, en direct les vendredis soirs à 17h. La connexion est en direct le lundi et en rediffusion le jeudi de 11h à 13h de la part de toute l'équipe fictive de la connexion. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire bonne journée. Faites attention à vos genoux et bonne chance. dash.com.